Contrôle de l'imposition commune d'époux divorcés. Lorsque deux personnes divorcées font l'objet d'un contrôle au titre de leur période d'imposition commune, l'administration peut conduire la procédure de contrôle avec l'une d'entre elles. Celle-ci bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure.